ça. Ça a commencé comme ça. On s'est dit Dieu n'existait pas. Est-ce un cauchemar ou un rêve? Un petit hominidé gracile, qu'avait rien ni d'Adam ni d'Ève, l'enfant de Toumaï et Lucie. Peuplait la corne de l'Afrique, notre berceau ethnologique. Il fallut mille et mille lunes pour que le soleil et le vent copulaient avec les nuages pour engendrer les pluies d'orage. Irriguer les rides des dunes, créer forêts, vallées, rivières. L'homme alors rassuré dit: je vais travailler, je vais travailler. Couper, tailler, débiter, creuser le bois, l'eau, c'est la pierre. Fabriquer des outils, des ustensiles utiles. Et j'irai jusqu'au delta du Nil. Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, on sait ton Dieu n'existait pas. Et alors d'exil en exode, de Périgord en Sibérie, le fils de Toumaï et Lucie connut la vie précaire du paléolithique. Les gens n'y vivaient guère que le temps d'un éclair, à faire quelques enfants bâclés sur un sourbier du musée de misère. Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, et Dieu n'existait toujours pas. Le soleil réchauffa la calotte glaciaire, l'hiver de mauvais gré abandonna la moitié des saisons au printemps et à l'été. L'ours blanc, le lion géant, le mammouth titanesque, des fresques de Lascaux firent place aux troupeaux de chèvres et de moutons. Et puis rapidement vint le temps de la haine, pour un gué de rivière, une forêt de châtaignes, une source, une vaste et paisible clairière. L'homme alors inquiet dit: je vais faire la guerre, je vais faire la guerre. Couper, tailler, débiter, creuser le bois, l'eau, c'est la pierre. Fabriquer des armes, des ustensiles utiles pour tuer tous les inutiles. Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, et l'embryon de Dieu bougea. La flèche de Silex perfora les cortex. Le peuple de l'amont déclara qu'en aval, toutes les tribus devenaient ses vassales. Alors on égorgea l'ennemi détesté, et puis on enferma les quelques survivants derrière les palissades d'un enclos à moutons. Ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça. Et alors Dieu se réveilla. Et Dieu dit: oh, c'est pas mal, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Mais on va quand même peut-être faire quelque chose ensemble. Ouais. On va quand même faire quelque chose ensemble. Tiens, nous allons cultiver des champs de bataille. Nous allons construire des maisons. Des maisons d'arrêt, en pierre, à fusil. Et puis nous allons instituer des droits, tiens, des droits. Canons. Nous allons faire de la musique, des hymnes nationaux. Nous allons plébisciter les arts martiaux. Et puis je veux des fêtes, je veux que ce soit la fête, je veux que ce soit la fête, alors nous allons envoyer de la poudre aux yeux. Je veux quelque chose de joyeux, je veux quelque chose de joyeux, je veux du gai, je veux du gai, je veux quelque chose de joyeux pour le premier vrai matin du monde, pour le premier vrai matin de Dieu, je veux quelque chose de joyeux, je veux du gai. Je veux du gay, tout. Je veux du gay, tout. ghetto. Je veux du ghetto. Je veux de l'islamisme, du catholicisme, du protestantisme, de l'hindouisme, du judaïsme, du libéralisme, du capitalisme, du colonialisme, de l'antisémitisme, du sionisme. Je veux du protectionnisme. Je veux du gay. Je veux du gay. Je veux du ghetto. Je veux du gay. Je veux du gay. Je veux du ghetto. Obscurantisme. Ça a commencé comme ça, ouais. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et Dieu a dit: me voilà.